Édition de décembre 2012. Joyeuses fêtes à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle série du podcast des Éditions de l'Avenir. Christian Martin au microphone. Nous avons, ce mois-ci, une émission tout en segments. Débutons avec une rubrique historique tirée directement du Progrès de l'Est. Le Progrès de l'Est était un journal de la région de Sherbrooke au Québec, d'abord un hebdomadaire, mais qui, assez rapidement, parut deux fois par semaine. Il vit le jour le 25 août. 1883. Voici les premiers mots qui y furent écrits. Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 1, du samedi 25 août 1883. Page 1, colonne 1. Le Progrès de l'Est, programme. Depuis longtemps, tous ceux qui aiment à être au courant de ce qui se passe dans le monde politique et commercial appelaient de tous leurs vœux l'apparition d'un nouveau journal dans la métropole des cantons de l'Est. Nous avons longtemps hésité à nous rendre aux vœux publics, mais nous ne pouvons résister plus longtemps aux sollicitations empressées de nos amis. Le Progrès de l'Est fera tout son possible pour mériter la confiance qu'il a fait naître. En toute occasion, il s'appliquera à justifier son titre. Conservateur, mais d'une complète indépendance, il restera toujours attaché aux principes plutôt qu'à un parti quelconque. Sans honte et sans bassesse, il louera tout ce qui méritera d'être loué, sans prendre garde aux hommes ou aux partis. Le blâme et la critique, s'il y a lieu, seront distribués avec le même esprit d'impartialité. S'appliquant à mériter son nom en toute chose, le Progrès de l'Est aura des yeux de sphinx pour voir ce qui se passe dans tous les cantons de l'Est. Des nouvelles, encore des nouvelles, toujours des nouvelles. Telle est la devise que prend ce journal. Comme les personnalités, les injures et les grossièretés sont incompatibles avec le vrai progrès. Notre nouvel organe sera avant tout poli, ennemi de toute polémique injurieuse, des médisances et des calomnies qui ne font que souiller la plume des écrivains qui s'en servent et exciter le gros rire de la galerie. La population des cantons de l'Est est industrieuse, agricole et commerçante. Aussi, le progrès donnera-t-il une attention toute spéciale à l'agriculture, à l'industrie et au commerce. La colonisation et l'immigration tiendront une place toute spéciale dans les colonnes de ce journal. Les rédacteurs n'oublieront point que tous les hommes sont frères et que l'adage « sol lucet omnibus » est surtout applicable, plus que partout ailleurs au Canada et au continent américain tout entier. Ce programme, bien que court, n'en constitue pas moins une lourde charge. Mais le nouveau-né compte sur le concours de ses amis et collaborateurs. La rédaction. Et voilà. Mentionnons encore que la diffusion du Progrès de l'Est est faite avec la permission de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Poursuivons maintenant notre aventure de Mazas Pavel, le Zorin d'Obioch, commencé le mois dernier. Nous en étions à la deuxième partie du chapitre 2. Chapitre 2, deuxième partie. La bonne femme en question, dissimulée derrière une des massives statues de pierre qui se trouvait alignée le long des deux vastes escaliers, observait soigneusement le va-et-vient des pirates dans la cour. Visiblement, ils attendaient la venue de quelqu'un ou des ordres avant d'investir la place. Soudain, ils se tournèrent tous vers l'entrée en poussant des cris de joie. Mazas aperçut deux robots de combat, tenant chacun par un bras, Rumla. Merde, il s'est fait prendre en rentrant chez lui, marmonna la jeune femme. Au même moment, un picotement au poignet droit l'avertit que quelqu'un cherchait à la contacter sur son minicom. Sans quitter des yeux la scène qui se déroulait en contrebas, elle porta l'appareil à ses lèvres et murmura « Oui, c'est moi, Rick. Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas le laisser aux mains de ces bandits. » Rien pour l'instant. Il va déjà falloir se débarrasser des robots qui n'étaient pas prévus au programme. Ouais, mais il ne faudra pas les rater. Sinon, eux ne nous louperont pas. Mazas eut une pensée pour l'émir qu'elle avait rencontré à plusieurs reprises et qui semblait avoir une certaine sympathie pour elle. « Avec lui, ça ne traînerait pas, » songea-t-elle. « Le mulocastor aime tellement jouer. » Mais Lilt n'était pas là. Il allait falloir se contenter de moyens physiques ordinaires pour triompher des deux cerbères de métal. Le cerveau de la Karzassienne tournait à toute allure. La jeune femme se trouvait confrontée à un problème qu'elle n'avait pas envisagé. Les robots de combat étaient une denrée qui ne courait pas les rues et en théorie, seules les troupes de l'astromarine en possédaient. Ce qui laissait supposer que quelqu'un de suffisamment haut placé avait arrondi ses fins de mois en livrant certaines de ses mécaniques super sophistiquées à une bande de pirates. L'envoyé d'Atlan se promit de lui en toucher deux mots à son retour de mission. S'il y avait un retour, bien sûr. S'il n'y avait eu qu'un seul robot, il ne se serait pas fait trop de soucis. Mais, vu qu'ils étaient deux, il allait falloir les neutraliser au même instant, car la vitesse de réaction des mécaniques positroniques était foudroyante. Si l'un d'entre eux parvenait à riposter, il risquait d'occasionner de sérieux dégâts parmi les mercenaires. Les désintégrateurs dont ils étaient munis se montraient d'une efficacité prodigieuse. Elle amena le minicom contre sa bouche et murmura « Rick, il faut coordonner nos gestes au quart de poil si on ne veut pas être transformé en poussière. » Mazas sourit brièvement au souvenir évoqué par son frère. Quelque chose comme cela. De toute manière, étant donné notre position et notre armement, il n'y a que toi et moi qui puissions tirer avec une chance de réussite sur les robots. Nos radios ne seront efficaces que si nous atteignons la cellule située au niveau des yeux de ces fichus mécaniques. Alors, par les dieux, souviens-toi de nos séances de tir. T'inquiète, moi je suis au point. Quand on en aura terminé avec cette mission, je viendrai personnellement te frotter les oreilles pour te montrer que je suis toujours capable de te mettre une volée. Rigola-t-elle. Un gloussement amusé lui répondit. Pendant quelques instants, la Karzassienne observa le balai des pirates en contrebas de sa position. Un énorme psallien, qui semblait les commander, s'approcha de l'infortuné Rumla et lui posa une question. Le déliant se contenta de hocher sa tête massive négativement, ce qui lui valut une gifle magistrale qui l'aurait jeté à terre s'il n'avait été tenu par les robots. « Qu'il parle avant de se faire massacrer !» songea la jeune femme en constatant que la punition se poursuivait pour le malheureux conseiller du Rorak. Comme s'il avait entendu son exhortation, Rumla finit par se rendre aux raisons de son bourreau et à se montrer plus coopératif. Il désigna une porte basse, située à égale distance du pied des deux escaliers latéraux, où Mazas et Rick étaient postés.

avant qu'il ne puisse réagir. Et la jeune femme éclata de rire en voyant l'air stupéfait de Rumla lorsque ses deux anges gardiens s'écroulèrent sur le sol. Des volutes de fumée et d'étincelles jaillissant de leur crâne explosé. Pendant ce temps, les radiants chocs de ses compagnons avaient fait leur effet, même s'il avait fallu insister pour éliminer totalement le psallien qui ne s'écroula définitivement qu'après avoir sorti son arme, dont le tir, rendu imprécis par les décharges incapacitantes qu'il atteignait, se perdit heureusement loin de ses cibles. Ouf! J'ai bien cru que ce pachyderme n'en finirait pas de tomber, s'exclama une voix sur la gauche de l'agent de l'OMU. Rumla, le premier moment de stupeur passé, s'était mise à courir d'une démarche lourde et cahotante en direction des escaliers. Mazas, après s'être soigneusement assuré que tous les pirates étaient sous l'effet des rayons paralysants, quitta le socle de la statue derrière laquelle elle s'était dissimulée et descendit au-devant du déliant. Celui-ci, qui était arrivé au pied des marches, s'arrêta et tendit les bras vers la jeune femme. « Vous avez été magnifique. Quand les pirates m'ont pris et que j'ai découvert la présence de deux robots de combat, j'ai pensé que tout était fichu. Je savais ces mécaniques quasiment invulnérables aux armes de poing et j'ai craint pour votre vie à tous. » Lança-t-il de sa grosse voix caverneuse. « C'est gentil de vous être inquiété pour nous, mais vous savez, ces deux ferrailles étaient des antiquités et nous connaissions leurs points faibles. Le problème aurait été tout autre avec des robots de la dernière génération. Cependant, j'aimerais bien savoir comment vous avez fait pour vous faire prendre. Vous aviez pourtant largement le temps de rentrer chez vous. J'ai voulu rester avec le Rorak. Mais celui-ci m'a dit qu'il était plus sage pour moi de retourner auprès de ma famille. J'ai fini par suivre son conseil. Toutefois, j'avais perdu du temps. Quand je suis sorti, j'ai rencontré une petite patrouille commandée par un de mes neveux. Et ils m'ont raccompagné jusqu'à mon domicile. C'est à ce moment que nous sommes tombés sur une troupe de pirates. Mon neveu et ces hommes ont tenté de me protéger. Mais les deux robots sont intervenus et, sans même utiliser leurs armes, n'ont eu aucune peine à nous battre, tuant trois de mes défenseurs et estropiant le reste. Puis, leur chef est venu m'interroger, persuadé que j'étais un personnage important puisqu'il m'avait trouvé entouré d'une patrouille. Il m'a donc fait amener jusqu'au palais pour que je lui dise où se situait l'entrée des caves abritant nos réserves de Kilgur. J'ai commencé par me taire car je ne voulais pas que vous affrontiez, en plus des forbans, deux robots de combat contre lesquels vous n'étiez pas préparé. Finalement, j'ai fini par parler. Acheva-t-il l'air penaud. Et vous avez bien fait. Bon, à présent, tout est terminé. Dites aux rescapés de votre détachement de regagner leur casernement. Courez vite rejoindre les vôtres et laissez-nous boucler notre mission. Quand vous vous réveillerez, les choses auront repris leur cours normal sur Delia, et la venue des intrus ne sera plus qu'un vieux souvenir, tout au plus un cauchemar que vous croirez avoir vécu. Vous avez raison. Je vous quitte, mais nous nous reverrons à la fin de notre hibernation pour célébrer comme il convient nos sauveurs. Je vais vous faire ramener par deux de mes hommes. Inutile. Je prendrai un véhicule robotisé et dans un quart d'heure, je serai chez moi. Ne vous endormez pas dedans, lui recommanda Mazas. Aucune chance. avec la poussée d'adrénaline que je viens d'avoir, je risque de rester éveillé un moment. » Après un dernier geste de la main, il repartit en direction de la sortie. Chapitre 2, cinquième partie. Tournant comme un ours en cage dans le poste de commandement du Dédale, sous les regards goguenards de Corton, de l'officier promu aux transmissions et du chef de tir, Steve Omer Hirsing passait son temps à maudire Mazas et tous ses comparses mercenaires qui ne lui donnaient pas le moindre signe de vie depuis que l'affrontement avec les pirates avait débuté. Le fait est qu'il éprouvait pour la jeune femme un certain attachement, pour ne pas dire un attachement certain, qui ne lui permettait pas de juger objectivement du déroulement des opérations. Celui qui se serait cependant risqué à le lui faire remarquer aurait inévitablement échoué entre les appendices spécialisés d'un robot médic afin de tenter de redonner un aspect normal à son visage. Le temps passait donc, bien trop lentement au gré du pilote qui houspillait régulièrement le caporal chargé de la surveillance de l'escadre ennemie, ce qui commençait à énerver sérieusement le malheureux sous-officier qui n'en pouvait plus. Mais, soudain, le signal qu'attendait Steve retentit, l'autorisant enfin à lancer son vaisseau contre la flotte disparate des pirates. Sur un ordre bref, un halo vert entoura la sphère de Terconite, indiquant que l'écran SH venait de se déployer. Un ronronnement sourd s'échappa des entrailles de l'astronef, preuve de l'activation des blocs propulsion. « Centrale de tir ?»« Ouais. » répondit flegmatiquement l'officier, en continuant de mâcher le chewing-gum au Vurguse qu'il s'était fourré en bouche 10 minutes plus tôt. « Il faudra en démolir un maximum à notre premier passage. J'averserai les moteurs dès que vous aurez terminé l'arrosage et nous repartirons pour un deuxième tour qui sera sans doute un peu plus mouvementé. » car l'effet de surprise ne jouera plus en notre faveur. S'il y en a un ou deux qui s'échappent à la fin de l'affrontement, ce n'est pas grave. Il faut bien que quelqu'un puisse prévenir les candidats aventuriers de ce qui les attend, s'ils persistent à vouloir mettre Delia en coupe réglée. Le croiseur de classe Terre enclencha ses moteurs à impulsion et, quittant l'abri du corps céleste qui lui servait de cachette, surgit comme un bolide à la vue des vaisseaux pirates qui se dirigeaient tranquillement vers la surface de Delia. Le déclenchement de tous les postes de tir secoua le navire jusqu'au plus profond de ses entrailles et le cri de triomphe du lieutenant Werber couvrit pendant un instant l'ensemble des bruits ambiants. « Ouais, 7 de moins, non 8 !» Steve, qui avait pris les commandes manuelles de l'engin, inversa aussitôt la poussée des moteurs et le dédale, tremblant de toutes ses membrures et écrasant ses occupants sur leur siège malgré l'action des antigés, cassa sa course, puis repartit en sens contraire. Surpris par la soudaineté de l'attaque, les vaisseaux adverses épargnés par la série de tirs initiales s'éparpillèrent dans une fuite désordonnée, ne songeant pas à riposter dans ce premier temps, mais à échapper à cet agresseur inconnu et inattendu. Ce qui permit au vaisseau de l'OMU d'ajouter 6 nouveaux trophées à son palmarès. Les 4, encore indemnes, sans demander leur reste, entamèrent leur procédure de passage dans la zone de libération et après quelques minutes qui durent paraître bien longues à leurs équipages, s'engouffrèrent dans l'entre-espace et disparurent à la vue des occupants du dédale. En voilà 4 qui ne sont pas prêts de revenir dans ce système! S'exclama joyeusement Steve Omer. Et quelques centaines de types qui ne reverront pas leur monde d'origine! Lâcha Corton, qui trouvait que l'affrontement n'avait pas laissé beaucoup de chance à leur adversaire, et avait plus ressemblé à un tir au pigeon qu'à un véritable duel spatial. Mais il en fallait plus pour doucher l'enthousiasme de son ami, qui voyait avec plaisir approcher le moment où il pourrait revoir Mazas. Décidément, s'il continuait, son cœur de Casanova du cosmos allait finir par se faire harponner par la jolie Carzacienne. « Il serait peut-être temps de repérer d'éventuels survivants !» Redescendu de son petit nuage de félicité par l'exclamation du copilote, il approuva. « Bien sûr, on va envoyer 2 chaloupes pour les récupérer. » Chapitre 2, sixième partie. Mazas contempla la centaine de pirates couchés et garrottés sur le sol de la grande cour du palais. Le oracle se tenait à ses côtés, le geste lent et la voix un peu hésitante, preuve que le traitement contre l'hibernation commençait à perdre de son efficacité. Malgré les objections présentées par la jeune femme, qui lui conseillait de ne pas résister à son besoin physiologique, il avait tenu à venir féliciter lui-même les mercenaires dès qu'il avait appris que ceux-ci étaient vainqueurs sur toute la ligne et leurs adversaires presque tous hors d'état de nuire. « Qu'est-ce que vous comptez faire de tous ces misérables qui sont tombés entre vos mains ?» Melbar Kazom, l'un des hommes de confiance du Lord Amiral Atlan, va venir avec un vaisseau-prison. « Un vaisseau-prison ?» s'étonna le guide suprême. L'agent de l'OMU expliqua avec un petit sourire. « Il s'agit d'une nef cylindrique, un peu sur le modèle de celle des francs-passeurs, et dont tout le pont inférieur est divisé en cellules destinées à recevoir chacune une dizaine de clients. « Où vont-ils être amenés ?» Sur une planète bagne, l'OMU en possède quelques-unes dispersées à travers la galaxie et dont les coordonnées sont maintenues secrètes. Elles servent à mettre hors circuit les individus irrécupérables et les pirates en font partie. Ils sont donc emprisonnés à vie. Emprisonnés? Pas du tout. Ils sont totalement libres de mener la vie qu'ils veulent. Tout le matériel nécessaire à une existence agraire leur est fourni. Des troupeaux et du gibier sont à leur disposition, mais ils ne possèdent aucune arme à feu. Et bien évidemment, il leur est impossible de quitter leur monde. Pourquoi? Parce que les planètes bagnes sont défendues par des satellites tueurs aux trajectoires aléatoires et qui empêchent d'y accéder ou d'en repartir. Comment faites-vous alors pour y déposer les condamnés? Il existe un code donné par le cerveau P qui ouvre un passage au sein des satellites et les neutralise sur la trajectoire définie par la positronique. Bien entendu, jamais la même d'un coup sur l'autre. Astucieux. Et efficace, compléta la jeune femme. Un grognement interrompit leur conversation. Tiens, en voilà un qui se réveille, constata Mazas, en voyant l'impressionnant Epsalien tenter de se redresser tout en se débattant contre les liens magnétiques qui l'immobilisaient. Qu'est-ce que... commença le pirate avant de réaliser brusquement la situation dans laquelle il se trouvait. Toi et tes hommes êtes prisonniers de ceux que vous vouliez dépouiller. Espèce de garce! Tu vas voir ce qui va t'arriver, ainsi qu'à tous ceux qui t'ont aidé! Si tu penses être secouru par le restant de tes complices, tu vas être déçu. Ils sont pour la plupart entre nos mains, et tes vaisseaux ont été détruits. Que quoi? Bredouilla-t-il, le visage soudain décomposé. Oui, misérable. Tous tes gibiers de potence sont enfin cessés de nous nuire. Martela Bactoral en étouffant difficilement un bâillement sonore. L'adapté se figea un instant avant d'arborer un faciès impassible, tout en laissant errer son regard sur les corps étendus et encore inconscients de sa bande de malfrats. Une moue méprisante tordit sa bouche, mais il demeura muet et se laissa retomber au sol. Le Rorak contemplait un moment les pirates figés par les radiants chocs, notant machinalement que bien des races s'y côtoyaient. Terranier renégat, Férolien en rupture de banc, Topinguet filiforme et haut emblème, Coriolanais au visage chevalin, Topside à la peau sombre couverte d'écailles, Bleu à la tête en forme de soupière, plusieurs éconides et même un ara et deux aconides, sans doute bannis par leur peuple et qui avaient mis leur science et leur connaissance au service de la piraterie interstellaire. Plus quelques individus à la race indéfinissable. « Un beau ramassis de brutes !» conclut-il avant de se tourner vers Mazas. « Je crois que je vais suivre vos conseils et laisser l'hibernation accomplir son œuvre. »« C'est ce que vous avez de mieux à faire !» approuva la jeune femme. « Quand vous vous réveillerez ?» ajouta-t-elle en souriant. « Nous serons de retour de la planète Bagne et nous pourrons fêter ensemble notre victoire. » Le guide suprême acquiesça et, après un dernier geste de la main, entreprit de rejoindre d'un pas lourd ses appartements. Chapitre 2, septième partie. Réunis dans l'immense salle du conseil et servis par des robots, les responsables du corps expéditionnaire de Carzac mettaient au point leur emploi du temps pour les trois prochains mois, pendant lesquels la plupart d'entre eux resteraient sur des lias afin de s'assurer que le sommeil des habitants ne soit pas mis à profit par d'autres malandrins. John Pavel, assis derrière un gigantesque bureau en bois noir, s'adressa à la petite assemblée des chefs de section qui lui faisaient face, sagement installés dans des sièges contours. Mazas ayant décidé d'accompagner Melbar Kassom sur le vaisseau prison, Rick fera le voyage avec elle. Tous les autres demeureront ici, par petits groupes d'une dizaine disséminés un peu partout sur la planète. Ils seront reliés en permanence au Dédale qui assurera les communications. Le pilote manifesta bruyamment son désaccord. Je ne vais quand même pas rester enfermé pendant 3 mois dans l'espace. Je vais crever d'ennui. Le mercenaire se permit un léger rire moqueur. Je suppose que tu préférerais accompagner ma petite sœur pour veiller sur sa santé, naturellement. Toutefois, tu as été nommé commandant de son vaisseau, et à ce titre, ta place est à bord. Que veux-tu ? Les honneurs se doublent parfois d'obligations. Le visage de Steve se renfrogna quelque peu, mais il ne pit pas mot, se contentant de hausser les épaules. L'aîné des Pavel compulsa les fiches qu'il avait déposées devant lui et entreprit de former les équipes en tenant compte autant que possible des affinités entre les hommes, tandis que l'adec Kriegel les notait sur son clavier et que les patronymes apparaissaient sur un écran géant situé dans le dos de l'orateur. Lorsque tous les noms furent affichés, John commença à distribuer les territoires aux différentes équipes, précisant à chacune la mission qui serait la sienne. Il fut interrompu par l'arrivée de Rumla. « Qu'est-ce que vous faites là? Je croyais que vous étiez en hibernation. » s'étonna le mercenaire. Le déliant se gratta le cuir chevelu de sa main griffue. « Je ne parviens pas à trouver le sommeil. Sans doute à cause des drogues que j'ai prises et de l'émotion due à ma capture par les pirates. Aussi, je suis venu vous demander de m'autoriser à accompagner les prisonniers sur le vaisseau prison. D'une part, les quelques jours de voyage me permettront peut-être de me décontracter et de retrouver mon équilibre biologique. Et d'autre part, par la même occasion, je pourrais faire un compte-rendu personnel au oracle. D'une pierre deux coups en somme. » John jeta un coup d'œil interrogatif à Mazas. Qu'en penses-tu ? La jeune femme hocha la tête d'un air évasif et, après un instant de réflexion, acquiesça du bout des lèvres. C'est d'accord. Merci, Mazas. Un vrai cri du cœur. Elle répondit par un sourire au remerciement chaleureux de Rumla. Chapitre 3, première partie. Mazas se tenait dans le poste de pilotage du Pierre le Grand, en compagnie du colonel Ternay, commandant du vaisseau-prison, et des officiers de quart. Confortablement installée dans un fauteuil contour, elle était en train d'évoquer les péripéties de sa précédente mission pour l'OMU, où elle avait fait la connaissance d'un être étrange, Ax, un antilan, qui s'était révélé un formidable combattant. L'octopode les avait sauvés, elle et ses compagnons, des griffes des Antilles qui les avaient capturés. Une sympathie réciproque en avait résulté, cimentée par les épreuves qui avaient suivi. Vous auriez vu la dextérité qu'il montrait dans l'utilisation des étoiles de jet. C'était impressionnant. Je crois d'ailleurs qu'il est expert dans le maniement de toutes les armes. Il aurait pu faire une bonne recrue pour l'OMU, plaisanta le Pacha. Non, car il est trop sanguinaire. La vie d'un adversaire compte peu pour lui, ce qui est incompatible avec le code de déontologie des agents du Lord Amiral. En revanche, en cas de coup dur, c'est une véritable assurance vie de l'avoir près de soi. Vous auriez pu lui proposer de rejoindre les mercenaires Cersaciers. J'y ai bien songé une fois ou deux, mais jusqu'à présent, il n'y a eu aucun non-humain dans leur rang, et j'ai eu peur que leur mode de vie ne convienne pas du tout à Arx, et qu'ils n'arrivent pas à s'y adapter. Sincèrement, je crois qu'il est plus à l'aise dans sa guérilla sur Coriolan 2. D'ailleurs... Elle fut interrompue dans son récit lorsque Rumla pénétra à l'intérieur de la vaste salle panoramique. Le déliant paraissait agité, et sa paupière droite tressautait sporadiquement sans qu'il puisse la contrôler. Ça va, Rumla ? Oui, oui, Mazas. Vous semblez fatigué. Vous auriez sans doute intérêt à essayer de dormir, car je pense que vous êtes en train de perturber votre horloge biologique. Non, ça va. Rassurez-vous, j'irai m'allonger tout à l'heure. Mais je cherchais Melbar Kazom. Savez-vous où je pourrais le trouver ? Il doit être dans sa cabine ou dans celle de Rick, car je sais qu'ils avaient l'intention de faire une partie d'échecs en 3D. Merci beaucoup. Je vais passer y voir. Il quitta les lieux après un salut à la ronde. Il aurait mieux fait de rester sur sa planète à hiberner comme tous ses compatriotes. Maugréa le colonel. Sans aucun doute. Il semblait tellement désireux de venir avec nous que je me suis laissé fléchir. Cependant, je crois bien que j'ai eu tort, car il ne me paraît pas être en grande forme. J'ai appris par un des gardes qu'il descendait voir les prisonniers tous les jours. Intervint le sergent Lamarre, qui s'occupait des transmissions. Ah bon ? Il veut probablement s'assurer qu'ils sont toujours bien enfermés, car il a dû ressentir une sacrée frousse lorsqu'il s'est retrouvé entre leurs mains. Rétorqua Mazas avec insouciance. Les écrans de proximité ne laissaient apercevoir que la vague lueur laiteuse générée par l'entre-espace. Souvent, pendant ses voyages, lorsque la jeune femme y jetait un regard, elle ne pouvait s'empêcher de se demander de quoi était constituée la zone de non-être dans laquelle il se mouvait. Car l'espace non-einsteinien était très loin d'avoir révélé tous ses secrets. Il gardait toujours bien des mystères vis-à-vis de l'homme. Le vol en direction de Carcel 3, la planète Bang où ils avaient à déposer leur cargaison humaine, se poursuivait tranquillement depuis 5 jours et devait s'achever dans 96 heures après 3 ultimes étapes linéaires. Le transbordement des prisonniers prendrait une bonne journée. Après quoi, le vaisseau rejoindrait sa base, tandis que Melbar Kazom, Mazas, Rumla et Rick rallieraient des liens à bord de l'une des 2 gazelles disponibles. Le lieutenant Carlo Dobar, un oxternien au crâne lisse et brillant, aux énormes sourcils teintés en bleu et tressés en forme de crête aux pointes aiguës, se présenta au poste de commandement pour y effectuer son rapport bicotidien. Le responsable des gardiens redressa sa silhouette massive avant de saluer. Monsieur, je viens de faire le tour des différentes cellules. Tous les prisonniers sont calmes. Même leur chef, l'espalien du nom de Lougarne, a cessé d'insulter les sentinelles. Ce qui est nouveau. Je suppose qu'ils ont dû se faire une raison. Ouais. Le visage de Mazas se rembrunit un bref instant, et ses sourcils se froncèrent, mais elle ne chercha pas à analyser plus loin ce qui avait pu alerter son subconscient dans les paroles du lieutenant. D'ailleurs, le colonel Ternet se contentait de prendre acte du bref compte-rendu avant de permettre à Dobar de se retirer. Merci, lieutenant. Vous êtes disposé. L'oxtornien porta la main à sa tempe, fit demi-tour et sortit. Toujours désireuse d'améliorer ses connaissances, Mazas s'interrogea le commandant du Pierre le Grand sur les planètes Bang dont elle était au courant de l'existence de par son appartenance à l'OMU, mais sur lesquels son savoir s'arrêtait à peu près là. Il y en a 7, dispersés un peu partout aux confins de la galaxie.

Je vois, dit-il d'un ton peu convaincu. Bon, venez me donner un coup de main pour porter le colonel et Rick sur une couchette. Lorsque les deux hommes, toujours inconscients, furent allongés un peu plus confortablement que sur le plancher de leur prison, Mazas s'approcha de son ami étrusien et inspecta les liens métalliques qui l'entravaient. Il n'y a pas grand-chose à espérer. Comme tu peux le constater, il n'y a pas de serrure. Ils ont soudé les bracelets autour de mes poignets et de mes chevilles. Idem pour la chaîne qui est fixée autour de ma taille. Et l'anneau dans le mur résistera à la traction d'un éléphant. As-tu essayé de briser les maillons qui relient les menottes ? Elles sont en terre conite, alors inutile de m'escrimer. Grommela-t-il, dépité de voir pour une fois sa force énorme tenue en échec. Et voilà pour la deuxième partie de Les Arènes d'Aubioche. Les interprètes, Aldor, Alexandre, Atumi, Bernard, Christian Martin, Christophe, Christophe Hubert, Ezoua, Fred, Kael, K00, Mario Fecto, Mika, Pierre et Torek. Parlons un peu de l'auteur des aventures de Mazas Pavel, André Bory. Qu'en dire? D'abord, il est français. Et qui plus est, un français à la retraite. Plus encore, un français à la retraite super occupé car non seulement ne se contente-t-il pas d'écrire des aventures de Mazas, qui sont publiées dans le cadre des hors-séries du club Basis, mais il se fait en plus traducteur, rédige des articles et, comme si cela ne lui suffisait pas, mène à gauche et à droite des entrevues avec des auteurs de SF français pour le périodique Le Météore. Sans compter les salons et les conventions qu'il fréquente en France et en Allemagne avec Basis. Busy, busy, là, André. Puisque l'on parle des aventures de Mazas, nous travaillons depuis un moment déjà à la version audio de la quatrième aventure. Certains personnages n'ont toujours pas trouvé leur voix. Aussi, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Contactez-moi à terran932, T-E-R-R-A-N-932, à yahoo.com. De même, si vous voulez participer à notre projet de version audio du recueil d'Edgar Allan Poe, Nouvelles histoires extraordinaires. Ce qui m'amène à vous parler de nos nouveautés audio du dernier mois. Le 8 novembre dernier, nous avons mis en ligne un article du Poiré de l'Est donnant les dernières nouvelles, datant tout de même du 1er septembre 1883, de la région de Sherbrooke. Le 15 novembre, nous publions le dernier article tiré du volume 1, numéro 2 du Poiré de l'Est. Le 22, mise en ligne du 11e épisode du PC Show avec Paul Courtemèche, cette comédie de situation dont je suis l'auteur. Dans cet épisode, Paul, toujours insatisfait des sujets de chronique que lui confie son journal, trouve un emploi dans une petite librairie de quartier. Enfin, jeudi dernier, le 29 novembre, mise en ligne du premier extrait du volume 1, numéro 3 du Progrès de l'Est. Et voilà pour cette deuxième émission de la nouvelle série. Je vous rappelle que vous trouverez toutes nos productions à lamneraudio.canalblog.com. Une fois encore, en mon nom personnel et au nom de tous ceux et celles impliqués dans les productions des éditions de l'Avenir, recevez nos meilleurs vœux pour les fêtes de fin d'année. Soyez prudents et revenez-nous en forme le mois prochain. Merci de votre attention. À bientôt.